Chapitre 17e. Angèle avait été ramenée par le docteur au quartier des Folles Simples, dans une pièce du rez-de-chaussée servant d'ouvroir, et meublée de deux longues tables autour desquelles travaillaient une cinquantaine de malades. Entre les deux tables, un piano était ouvert. Au premier aspect, la physionomie des hôtes de cette salle n'offrait à l'œil rien d'extraordinaire. On aurait pu se croire dans l'atelier d'un grand magasin de lingerie. En y regardant de plus près, on distinguait peu à peu certains détails excentriques, des toilettes bizarres, des gestes et des sourires étranges qui donnaient à réfléchir. L'une des ouvrières, coiffée d'un chapeau et vêtue comme pour une visite, avait étalé sur sa boîte à ouvrage une vingtaine de photographies. À chaque aiguillée, elle prenait un des portraits, lui parlait à mi-voix et le replaçait méthodiquement au bord du couvercle. Une autre tenait sur ses genoux un sac de voyage plein de menus objets composant la layette d'un enfant. Elle examinait successivement les petits bas, les bonnets, les mignonnes chemises, et les secouait lentement comme pour en faire tomber je ne sais quelle poussière mystérieuse. Angèle s'était rassise à sa place et avait repris sa couture. Une de ses voisines, dont les cheveux déjà grisonnants tombaient sur les épaules, se leva, posa un doigt sur sa bouche, et marchant sur la pointe des pieds, alla se mettre au piano, où elle commença de jouer avec lenteur. Tout à coup elle s'arrêta, essaya un prélude plus gai, et au milieu du silence de l'ouvroir, sa voix encore fraîche répéta ce fragment d'une ronde populaire bien connue. « Mon père n'avait d'enfant que moi. Dessus la mer il m'embarqua. Sautez, mignonne Cécilia. Ah ah, Cécilia !» Cette vieille chanson faisait sur Angèle une impression profonde. Les paroles chantées éveillaient un à un ses souvenirs d'enfance. Elle revoyait le carrefour de la Côte de l'Horloge à Baie, pendant ces soirées de printemps où les petites filles, au retour de l'école, dansent des rondes en attendant l'heure du souper. Elle croyait sentir l'odeur de ces branches de saule au chaton jaune qu'on apporte par brassée à l'église le jour des rameaux et qu'on nomme dans le pays des pacotes. Il lui semblait apercevoir dans l'embrasure d'une porte cintrée la bonne figure réjouie du père Sénéchal. Tout à coup, ses yeux se mouillèrent, et des larmes roulèrent sur la toile qu'elle ourlait. Pendant toute la durée de son séjour à Sainte-Anne, elle avait eu le délire. Maintenant, la faiblesse et l'abattement succédaient à la fièvre. Elle avait retrouvé le calme et la mémoire, mais la secousse avait été si forte qu'elle se résignait et ne luttait plus. Elle se flattait que l'erreur dont elle était victime serait vite reconnue. Elle s'étonnait seulement de ne voir ni sa mère, ni ses amis accourir près d'elle. Elle avait déjà demandé à leur écrire, mais d'après l'ordre du médecin, on lui avait refusé toute communication avec le monde extérieur. La pensée de son isolement devenait pour elle plus poignante à l'approche de la nuit, dans le grand dortoir situé sous les combles, où elle couchait en compagnie de ses 50 folles, dont le sommeil était entrecoupé de cris terribles et d'hallucinations bizarres. Alors une angoisse douloureuse lui serrait la gorge, et elle sanglotait misérablement sous les couvertures de son étroit lit de fer. Pendant ces heures ténébreuses, le souvenir de son père lui revenait plus douloureux et plus vivace. Elle s'accusait d'avoir été la seule cause de sa mort. Elle était poursuivie de l'idée que sa réclusion à la salpêtrière était la juste punition de sa faute. Le lendemain de la démarche de René, une douce surprise ramena pourtant un peu d'espoir dans son cœur. Des armoises étaient arrivées à l'heure de la visite, apportant avec lui un paquet de vêtements qu'il avait fait remettre à Angèle par la surveillante. Il y avait joint tous les menus objets qui pouvaient faire comprendre à la jeune fille qu'elle n'était pas abandonnée. Son dé, une broderie commencée, un paroissien, et précisément une branche de ces pacotes des rameaux que Madame Sénéchal avait apportée de Baie. La bonne dame était arrivée la veille. En écoutant le récit que lui firent les deux jeunes gens, son indignation et son désespoir furent terribles. Elle se répandait en imprécations contre les Parisiens, la police, le gouvernement, les médecins. Elle exigea que Joseph la conduisît immédiatement chez le docteur Spiral, auquel elle réclama impérieusement la mise en liberté de sa fille. « Angèle, folle ! » s'écria-t-elle, sans écouter le raisonnement du médecin. « Allons donc ! Il n'y a jamais eu de fou dans notre famille. Nous sommes tous sains d'esprit et de corps, Dieu merci ! Ma fille est victime de quelques complots formés par des camarades jalouses de son talent, et voilà tout. Je veux qu'on me la rende, entendez-vous ? » Le docteur, choqué des façons communes et médiocrement respectueuses de Madame Sénéchal, commençait à sentir ses oreilles s'échauffer. Il était peu patient de sa nature. Il répliqua vertement qu'il ne rendrait Angèle que lorsqu'il la croirait entièrement guérie. « Un aliéné, ajouta-t-il, peut devenir un danger public. La loi me donne le droit de m'opposer à la sortie de votre fille et je m'y opposerai. » Là-dessus, la discussion menaçant de dégénérer en scène violente, le médecin sonna et donna l'ordre de faire sortir Madame Sénéchal qui, disait-il brutalement à Joseph, était tout aussi folle que sa fille. Toussaint était désespéré. « Il faut s'adresser au parquet, » s'écria René. Alors commencèrent de nouvelles courses. Station dans les bureaux de la préfecture, comparution au parquet, etc. À chaque audience, Madame Sénéchal, avec sa loquacité habituelle, entamait l'éloge de sa fille, contait son histoire et celle de son mari, toute chose qui fatiguait les magistrats et prédisposait peu en sa faveur. Le pauvre Joseph, chargé d'escorter et de contenir cette terrible femme, commençait à perdre courage et à être sur les dents. Pendant ce temps, René passait ses matinées à la salpêtrière. À tout hasard, il avait préparé un billet destiné à la jeune fille, par lequel il l'informait des démarches tentées pour la rendre à la liberté. Il la prévenait en outre qu'elle aurait à subir un interrogatoire et la suppliait de ne pas se laisser prendre aux questions insinuantes qu'on lui adresserait afin de lui faire avouer ses hallucinations. Chaque jour, il espérait qu'une chance heureuse lui permettrait de faire passer ce billet à Angèle, et chaque jour, il s'en retournait sans avoir réussi. Pendant 2 heures, tous les matins, il attendait anxieusement la sortie du médecin. Celui-ci traversait enfin le vestibule, l'air affairé, et lui jetait à peine au passage une brève parole. La présence quotidienne de René l'agaçait et le mettait de mauvaise humeur. Parmi les surveillantes et les filles de service, au contraire, quelques bonnes âmes avaient fini par s'intéresser à ce beau garçon qui venait chaque jour demander des nouvelles de la jolie malade aux yeux bleus. Elles avaient flairé là-dessous un roman, et toute femme, fût-elle infirmière dans une maison de folle, garde dans son cœur un coin de sympathie pour les choses de l'amour. Elle l'entretenait d'Angèle, et l'une d'elles, plus compatissante, osa enfreindre la règle et parler à la jeune fille du pauvre garçon qui se morfondait le matin derrière les vitres du vestibule. Un jour, cette même surveillante, ayant aperçu Angèle seule dans la cour, en informa René, et, soit étourderie, soit intention charitable, oublia de fermer à clé la porte de communication. Des armoises, le cœur palpitant, se précipita contre le vitrage. La jeune fille était seule, en effet. Elle marchait çà et là, inquiète, ne quittant pas des yeux les croisées du vestibule. On eût dit qu'elle y devinait la présence de l'homme qu'elle aimait. René, à son tour, était agité d'un indéfinissable espoir. Son cœur se gonflait. Elle avait placé entre ses doigts le billet préparé depuis si longtemps. Au même moment, Angèle s'avança brusquement vers le vestibule et tourna le bouton de la porte qui céda. Elle entra lentement, aperçut tout à coup René, et se jeta dans ses bras en poussant un cri de joie. « Emmenez-moi » répétait-elle. « Emmenez-moi » Les cris avaient été entendus. Le docteur sortit de son cabinet. Des surveillantes accoururent et entraînèrent Angèle malgré ses supplications. Mais René avait déjà eu le temps de lui glisser son billet dans la main. « Ah, la pauvre petite !» chuchotaient les femmes de service groupées dans la cour. « Elle l'a vu, enfin !» Le docteur était cramoisi de colère. Il apostropha durement René, qui lui répliqua sur le même ton. Le résultat de l'altercation fut que le médecin, maître absolu de son service, fit interdire l'entrée de la salpêtrière à des armoises. Le poète s'en revint chez lui la tête en feu. Il avait trouvé Angèle pâle et amaigrie. Il se disait qu'elle n'aurait pas longtemps la force de résister au séjour de l'hôpital, et il se révoltait contre la lenteur des enquêtes judiciaires. Lui-même, à ce régime de continuelles irritations, maigrissait et perdait courage. Il ne mangeait plus guère et travaillait moins encore. Madame des Armoises, s'apercevant de son agitation et de l'altération de ses traits, commençait à soupçonner là-dessous quelque affaire d'amour et à s'en alarmer. Ce jour-là, au dîner, voyant son fils toucher à peine à ses plats favoris, elle s'impatienta. « Et qu'as-tu, enfin ? » lui demanda-t-elle. « De quoi souffres-tu ? » « Eh bien, je vais te dire tout, » répondit René, qui ne pouvait s'empêcher de parler des choses qui l'occupaient. Il lui conta l'histoire d'Angèle, son amour pour la jeune fille et les épreuves qui lui étaient infligées. Madame des Armoises était devenue très pâle en écoutant cette confidence. mais ses traits ne laissèrent pas un seul instant apercevoir le moindre sentiment de pitié. Toute sa jalousie maternelle s'était éveillée. Elle se sentait déjà de la haine pour Angèle, pour cette fille de rien, qui accaparait René et risquait de lui gâter son avenir. « Et voilà pourquoi tu te désoles ?» fit-elle avec une froide amertume. « Pour une comédienne, et quelle comédienne encore, une actrice de la salle Corneille, mais c'est ridicule !»« Soit, » répliqua René, qui ne supportait pas la contradiction, « mais je l'aime. Il me semble que ma confiance méritait de ta part un peu plus de sympathie. « Je hais cette fille !» dit Madame des Armoises avec une raideur glaciale. « Elle te fait abandonner ton travail, négliger tes relations, délaisser ta mère. Je la hais. Et je ne souhaite qu'une chose pour ton bonheur et pour le mien, c'est qu'elle devienne folle tout à fait, et ne sorte jamais de l'endroit où elle est. Ma mère !» s'écria René indigné. Il y avait sur les lèvres des paroles de colère. Mais il eut encore assez de force pour les contenir. Il se leva, jeta sa serviette sur la table et sortit de l'appartement. Il courut aussitôt chez Joseph, auquel il conta l'incident de la salpêtrière. « Il faut que cela finisse, » dit-il. « Si l'on tarde encore, Angèle deviendra folle pour tout de bon, et moi je commettrai quelques sottises. »« du calme, » répondit Joseph. « J'ai parlé d'elle à mon sénateur. Il m'a promis de se remuer, et son intervention va faire prendre aux choses une meilleure tournure. » En effet, cette recommandation sénatoriale fit plus pour Angèle que les agitations de René et les récriminations de Madame Sénéchal. Dès qu'on sut dans les bureaux qu'un personnage influent s'intéressait à cette affaire, la machine administrative qui fonctionne d'ordinaire avec la lenteur pesante d'un ruminant daigna précipiter ses mouvements. Le dossier d'Angèle Sénéchal, annoté de l'épithète urgent, fut examiné sérieusement de sorte que Joseph put enfin apprendre à ses amis que la jeune fille serait interrogée prochainement par le médecin de la préfecture et que la sortie immédiate serait ordonnée si le certificat contenait un avis favorable. Au jour indiqué pour l'interrogatoire, Joseph et René se rendirent à la salpêtrière où l'examen devait avoir lieu en présence du docteur Spiral. « Pourvu qu'elle ne se trouble pas, » dit René à Toussaint, tandis qu'ils allaient et venaient impatiemment dans la grande cour. « Ces médecins lui poseront des questions insidieuses. » Je tremble qu'elle n'y réponde trop sincèrement et ne se compromette elle-même en racontant cette erreur de la rue de Rennes. Là était en effet le danger. Heureusement, Angèle avait lu le billet de René. Pour elle, ces quatre lignes contenaient un volume de consolation, de tendresse et d'espérance. Aussi, lorsqu'introduite dans le cabinet du docteur, elle se vit en présence du délégué de la préfecture et du directeur. Son amour lui tint lieu de prudence et lui donna des forces. Elle répondit aux questions avec une sagacité et une réserve qui émerveillèrent le docteur Spiral lui-même. L'interrogatoire terminé, les deux médecins se décidèrent à rédiger un certificat constatant la guérison, et le directeur courait apprendre cette bonne nouvelle aux deux amis en leur promettant que l'ordre de sortie arriverait avant 2 jours. « Maintenant, » dit René à Madame Sénéchal, il ne faut pas que votre fille rentre dans cet appartement qui ne lui rappelle que des heures d'angoisse. J'avais loué à Vélizy, près des bois de Meudon, une petite maison toute meublée pour y travailler tranquillement, et je suis heureux de pouvoir la mettre à votre disposition. Nous irons dès demain tout y préparer pour la prochaine installation de Mademoiselle Angèle. » Madame Sénéchal remercia, mais sa figure trahissait un certain embarras. Des Armoises, enchantées de son nouveau projet, n'y prit pas garde. Joseph, au contraire, qui avait dans les choses de sentiment une perspicacité plus délicate, crut deviner, à la mine de la vieille dame, que la question d'argent la préoccupait. Il revint la trouver le même soir, et n'eut pas de peine à lui faire avouer que sa bourse était à sec. Alors, il tira timidement de sa poche un billet de 500 francs, qu'il tenait depuis longtemps en réserve, et le glissant brusquement dans les mains de la mère d'Angèle. « La vie est chère aux environs de Paris. » murmura-t-il, la santé de votre fille exigera un bon régime. Obligez-moi de prendre cette petite somme, et surtout de n'en parler à personne. Vrai, vous me rendrez service. » Madame Sénéchal accepta sans façon. Elle n'avait aucun respect humain quand il s'agissait de sa fille, et d'ailleurs il y avait urgence. Quant à Toussaint, il était content, et il alla se coucher en se frottant les mains. L'ordre de sortie arriva le surlendemain. Madame Sénéchal et les deux amis vinrent prendre Angèle au parloir. Quand la vieille dame l'eut dévorée de caresses et que les jeunes gens l'eurent embrassée, ils gagnèrent le boulevard où une voiture les attendait. « Où m'emmenez-vous ? » demanda Angèle avec un vague sentiment d'inquiétude. « Dans un endroit, répondit René, où vous pourrez savourer ce beau printemps qui commence, dans les bois que vous aimez, et qui vous vaudront mieux que toutes les ordonnances des médecins. Cochez à la gare de l'Ouest,